Les aventures de Tintin par Hergé. Adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Le temple du soleil. Troisième épisode. Ayant miraculeusement échappé d'un attentat commis dans leur wagon sur la plus haute ligne de chemin de fer du monde, Tintin et le capitaine Haddock sont arrivés dans la petite ville de Raura. Mais là, personne n'a voulu les aider à retrouver la trace du professeur Tournesol. Personne à l'exception de Zorino, un petit marchand d'oranges. Par gratitude envers Tintin qui l'a défendu contre deux agresseurs blancs, le jeune Indien lui a donné rendez-vous près du pont de l'Inca, pour les guider, lui et le capitaine, vers le lieu où se trouverait le professeur. Mais durant leur première nuit passée dans la montagne, Zorino a été enlevé à son tour. En donnant à Milou son bonnet à flairer, Tintin espère le retrouver. Venez, suivons Milou. En tout cas, comme Macadam, c'est réussi. Halt ! Et voilà. Je peux voir Zorino. Ils l'ont attaché sur un lama. Pauvre petit. Le chemin redescend par ici. Ils vont passer juste en dessous de l'endroit où nous sommes. En coupant par les rochers, nous pouvons les surprendre au passage. Milou, toi, tu resteras ici. Nous allons nous rompre les os, c'est certain. Prenez d'un autre côté, capitaine. Ce passage-ci est trop difficile. D'accord. Les voilà. Attention, pas de bruit. Aïe, il est tombé. Pourvu que... Non, il ne s'est rien cassé. Il se relève. Il est pris. Voilà le dernier qui arrive. Avec ma carabine à la main. Les autres sont hors de vue. N'hésitons plus. Toi, nous dire si ton ami avec toi. Où Tintin? Nous sait. Toi, savoir. Toi, nous dire où il est. Sinon, toi, mourir. Et moi, je vous dis zut. Et zut. Et encore zut. Et puis après tout, puisque vous y tenez tellement, le voilà, mon ami, là, derrière vous. Les mains en l'air. Voilà. Parfait. Vous, capitaine des armes, et d'abord cet Indien. Là, très bien. Maintenant, détachez Zorino. Moi, je les tiens à l'œil. Content de te revoir, mon petit. Ça y est ? All right, tout va bien. En route ! Tintin, derrière toi ! Bien joué, fiston! Allons vite, capitaine. Passez derrière moi, et vous autres là-bas, du calme. Vous allez continuer votre route, et vite. Et le premier qui fait mine de s'arrêter ou de se retourner, je l'abats comme un lapin. Compris? J'ai dit vite! Non, pas pressé. Je crois que cette fois, ils ont compris. Tu vois, Zorino, que nous ne t'avons pas abandonné. Moi, savoir, toi, me délivrer. Et Milou? Milou, nous l'avons laissé un peu plus haut. Il n'aurait pas pu nous suivre. Tiens, le voilà. Bonjour, Milou! Oh, un condor! Tonnerre de Brest! Il a emporté Milou! Que faire, mon Dieu? Que faire? Je ne peux pourtant pas tirer. Milou! Mon pauvre Milou! Regardez, il se pose sur un rocher. C'est le moment ou jamais. Au nom du ciel, visez juste! Hurrah! Dans le mille! Et maintenant, vite! Des cordes. Un foulard. Il s'agit d'aller au secours de Milou. Malheureux, vous n'allez pas faire ça! Vous ne pensez pas, capitaine, que je vais laisser Milou là-haut? Blessé? Mourant, peut-être? Tintin! Je vous assure, vous allez me tuer! Milou! Milou! Pas de réponse. Plus que quelques mètres. Milou! Milou! Tu aurais pu me répondre non au lieu de piller le garde-manger de ce vautour. Tu es incorrigible. Maintenant, viens là. Et tiens-toi tranquille. Ouf! Je respire. Le voilà sauvé, pour le moment du moins. Car le malheureux va maintenant devoir redescendre. Voilà. La corde est bien attachée. Allons-y. Laissons-nous doucement descendre. Mille tonnerres! Regarde, Zorino, là, un autre condor. Vite, ma carabine. Raté, tonnerre de Brest. Je ne puis plus tirer maintenant, le condor est sur lui. Le malheureux. Ah, le malheureux, il va devoir lâcher prise. Je n'en puis plus. Il se prend le coup pour le coup. Mille sabords, qu'a-t-il fait là? Mais ma parole, il s'est accroché aux pattes du condor. Comment cela va-t-il finir? Drôle de parachute. C'est ça, là. On descend encore un peu. Voilà. Et... voilà! Sauvé. Tintin! Pirate! Dorifant! Moule à gonfre! Attends que je te déplume, moi! Espèce de chouette mal empaillée! Oh! Quelques minutes plus tard. Pays sauvage, mille sabords. Des montagnes, toujours des montagnes. Et des tas de sales animaux. C'est encore loin, Zorino? Loin, seigneur, très loin. Encore longtemps marcher, très longtemps, beaucoup de jours. Encore franchir haute montagne de neige. Les jours passent. Et un matin... nous arrivons au col, signores. Là, beaucoup danger. Vous pas faire des bruits, vous pas parler, sinon avalanche. Compris, fiston. On y veillera. Froid de canard. Pas de doute, je vais m'enrhumer. Qu'est-ce que je disais? Là, ah, ça y est. Là-haut. Une avalanche. Vite, derrière ce rocher. Je respire. Eh bien, nous avons eu de la chance. Maintenant, vite, dégageons Zorino. Oulama. Oh, capitaine. Je ne sais pas, Zorino. Enseveli quelque part sous la neige. Pourvu qu'on les retrouve. Capitaine! Capitaine! Attention, toi, pas crier. Ah, sapristi, c'est vrai. Pourvu que... non, rien ne bouge. Milou, qu'as-tu trouvé? Le capitaine, il a senti le capitaine. Allons-y au travail, cherchons Zorino. Le voilà! Je reconnais sa chaussure! Mon Dieu, il ne donne plus signe de vie. Vite, dégageons-le! Le malheureux, il est gelé. Il faudrait tout de suite le frictionner à l'alcool, mais où en trouver? Oh, mais il doit certainement en avoir un flacon dans sa poche revolver. Voilà, j'en étais sûr. Voyons ce que c'est. Du whisky. Ça ira. Whisky? Mais... Attention, capitaine. Pas trop vite. Ne buvez pas tout. Now, señores. Lama, pas mort. Non. Je vais aller chercher. Non, non, capitaine, j'irai moi-même. Silence, mille sabords. Ou j'éternue. C'est moi qui suis la cause de tout ce qui est arrivé. C'est moi qui irai les chercher. Ici, espèce de mérinos mal peigné. Ici, ouvre le phénomène de tonnerre de Brest. Il s'enfuit dès que je m'approche d'eux. Quelle nouvelle catastrophe va-t-il encore déclencher? Ici, bougre de zouave. Ici, mille sabords. Pas ça, mais... Mais je n'ai pas la berlue. Qui sont ces individus? Mille sabords, ce sont les Indiens qui avaient enlevé Zorino. Hola, ce canaille! Hola, ce... À qui peut-il adresser toutes ces injures? Allons voir. Patano! Bachimouzouk! L'arçon tapi! Mon Dieu, encore ces Indiens. Mais regarde les détails, Zorino. Et ce pauvre capitaine, il est en train de se transformer en boule de neige. Où va-t-il donc s'arrêter? Le ravin. Il va tomber dans le ravin. Non, là, le rocher, arrêtez-lui. Eh bien, Zorino, on dirait qu'il y a un dieu pour les amateurs de whisky. Rien de cassé, capitaine? Non. Ah, tant mieux. Sans le faire exprès, je crois que vous nous avez définitivement débarrassé de ces bandits. À présent, retournons là-haut. Ça ira? Oui, oui. Mais j'y songe. Oui, Milou. Voilà un bon moment déjà que je ne le vois plus auprès de nous. Milou? Milou? Milou? Où a-t-il bien pu passer? Te voilà. Mais qu'est-ce que tu tiens là? La casquette du capitaine. Brave Milou. Votre casquette est retrouvée, capitaine. C'est parfait. Mais malheureusement, nous avons perdu les lamas et par conséquent, plus de vivres, plus de munitions. Comment plus de munitions? De ce côté-là, soyez tranquille. Regardez, j'ai deux boîtes de cartouches dans ma poche. Quelle chance. Ainsi, nous pourrons, s'il le faut, vivre du produit de notre chasse. Et gardez soigneusement ce papier journal, il pourra nous servir pour allumer du feu. Entendu, fiston. Après de longues heures de marche... Là, vous, regardez. Oh, enfin un peu de verdure. Demain, nous entrer forêt vierge. C'est dans cette forêt que se trouve le temple du soleil? Non, seigneur. Encore plus loin. Nous traverser forêt, puis encore haute montagne. Sabord. Ça n'en finira donc jamais. Je commence à en avoir assez, moi, de cette petite excursion. Stop! Regardez, là-haut. Une grotte. Si on s'arrêtait pour passer la nuit. C'est une idée, mais... Soyez tranquille. Je vais d'abord jeter un coup d'œil. Mais elle m'a l'air très bien, cette grotte. Ça va, vous pouvez venir. L'endroit est très confortable. Eh bien quoi? Qu'est-ce que vous avez à gesticuler ainsi? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Criez plus fort, je ne comprends pas. Quoi? Mais criez donc plus fort, tonnerre de Brest! Un ours? Le lendemain. Ça va, capitaine ? Non, ça ne va pas. On dirait vraiment qu'il n'y a que des moustiques dans ce pays de tonnerre de Brest. Ah, 1 000 000 de sabords. Attrape sa bête ! Ça, par exemple. Des singes hurleurs. C'est à croire qu'ils se paient ma tête, ces bougres de zouaves d'anthropopithèque. Vous avez de la chance que nos cartouches soient comptées. Sinon... Capitaine, tout va bien ? 1 000 000 de mille sabords de tonnerre de Brest. Tout ça à cause de ces espèces de macaques. Que le diable les emporte. Vous êtes blessé, capitaine ? Non, c'est rien. Un simple faux pas dans cette petite mare. Ah bon ? Tant mieux. Ça, c'est Zorino. Vite! Au secours! Un boa! Il est en train de l'étouffer! Eh bien, Zorino, mon petit, il était moins 5. Toi, encore sauvez-moi, Seigneur Tintin. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Attention, capitaine! Oh. Dites-moi toute la vérité. Ne me cachez rien. C'est un autobus, n'est-ce pas, qui m'a renversé? Mais non, capitaine. C'est un tapir. Quand tapir pressé, seigneur, lui a les droits devant lui. Lui prend de garde aucun obstacle. Mais tapir pas méchant. Lui pouvoir facilement être apprivoisé. Ah oui? Eh bien, la prochaine fois que je le rencontrerai, c'est à coup de carabine que je l'apprivoiserai, moi. Allez, capitaine, n'y pensez plus. Repartons. La nuit ne va pas tarder à tomber. En tout cas, une chose est certaine. Mes prochaines vacances, c'est ici que je viendrai les passer. C'est vraiment un endroit de tourpeau. Arrête les sales moustiques, mes sabords. Pas loin, clairière. Bon endroit pour passer la nuit. Excellente idée, Zorino. Le lendemain à l'aube. Allons, Milou, laisse-moi tranquille. Oui, moi aussi je t'aime bien, mais c'est pas une raison pour me laisser. Au secours! Qu'y a-t-il? Au large! Espèce de Cyrano à quatre pattes! Rassurez-vous, capitaine, ce n'est qu'un brave fourmilier ta manoir qui est venu vous dire bonjour. Toi être couvert de fourmis. Ta manoir mange fourmis. Charmant pays. Et les jours passent. Ah, sale bête. Voilà grande rivière. Nous devoir traverser. Et comment? À la nage? Vous attendre ici, seigneur. Sorino bientôt revenir. D'accord. Comme c'est curieux, tous ces troncs d'arbres qui flottent sur la rivière. Des troncs d'arbres? Ne vous y fiez pas, fiston. Ce sont des alligators. Des alligators? Ça, par exemple, j'aurais juré que... Oui, évidemment. Mais moi, je m'y connais. Tiens, en attendant que Zorino revienne, je vais m'asseoir sur ce tronc et me fumer une petite pipe. À moi, Tintin! Merci, fiston. Vous voyez bien que... En effet, capitaine. Mais à présent, voilà cet alligator aussi inoffensif qu'un tronc d'arbre véritable. Ce n'est rien. Ce n'est que Zorino qui a fait craquer une branche morte. Vous venir, señores. Moi, trouver pirogue. Nous te suivons, Zorino. Allons-y, nous saillons. Les enfants, attention, je crois que ça va chauffer. Voilà les alligators. Ils nous ont repérés. Continuez à ramer, Zorino. Nous approchons de la rive. Vite, Zorino, à toi. Venez, capitaine, je vous couvre. J'arrive. Ah, mon Dieu. Sale bête, je m'en vais les exterminer. Non, non, ne gaspillez pas nos munitions. Vous avez raison. Mais sale pays de tonnerre de Brest. Quand donc en sortirons-nous? Demain, seigneur capitaine. Non, quittez forêt. Pas trop tôt. Le lendemain... Nous campons ici cette nuit. Là-haut, derrière montagne, temple du soleil. Là-haut? Bon sang, encore grimper? Ça n'en finira donc jamais. Dommage que nous n'ayons plus de cordes. J'ai l'impression qu'elles nous auraient été très utiles. Pas problème. Moi, fabriquer cordes demain matin avec Liane. Vraiment? Mon cher Zorino, que ferions-nous sans toi? C'était Le Temple du Soleil, d'Hergé. Troisième épisode. Une coproduction France Culture, Hergé Moulinsart et la Comédie Française. Adaptation, Catel Guillou. Musique originale, Olivier Davio, orchestré par Didier Benetti pour l'Orchestre National de France. Avec Thierry Ancis, le capitaine Haddock. Suliane Brahim, Zorino. Noam Morgenstern, Tintin. Didier Sandre, le narrateur. Et Marina Kapp dans le rôle de Milou. Avec les élèves comédiens de la promotion 2017-2018. Juliette Damy, Maïka Louakérim, Audroynet, Mathieu Astre, Robin Goupil et Alexandre Chorderet. Conseillère en prononciation, Amaranta Kuhn. Bruitage, Sophie Bissons. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bruno Mourlan et Mathieu Leroux. Prise de son musicale, montage et mixage, Jean-Louis Deloncle, Mathieu Leroux et Alice Legros. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Benjamin Habitant.